Et bonjour à toutes, bonjour à tous. La meilleure façon de vous présenter Simone Veil, avec un W, est encore de laisser la parole à ceux qui l'ont connue, comme le philosophe et écrivain Gustave Thibon, qui en dresse un portrait, disons, implacable. C'était en 1941, pendant l'occupation. J'ai reçu une lettre d'un religieux dominicain, le père Perrin, qui m'écrivait « J'ai dans mon bureau une jeune fille israélite agrégée de philosophie et militante d'extrême gauche » qui désirerait faire une expérience agricole, étant donné qu'elle est exclue de l'université par les lois raciales de Vichy. Alors j'ai répondu oui, et j'ai vu arriver Simone Veil, effroyablement fagotée, discutant d'une voix monotone, impossible, sur tous les problèmes temporels, nous n'étions pas d'accord. Et alors je me suis, comment dirais-je, résigné à faire une partie de mon purgatoire sur la Terre pendant son séjour. Or, il s'est révélé que sous cette écorce, dès que nos contacts ont pu être plus profonds, j'ai trouvé en effet la rencontre, oui. L'être que j'attendais. Alors, comment définir ce mystère? Je ne sais, je ne veux pas exalter Simone Veil. Ses défauts, ses misères, je les ai vus de très très près. Mais c'est le seul être chez lequel, tout de même, je n'ai vu aucun décalage réel, sauf des broutilles, entre l'idéal qu'elle affirmait et la vie qu'elle menait et tout ce qu'elle éprouvait. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Simone Veil est née en 1909 à Paris, dans une famille juive. Elle devient plus tard l'élève du philosophe Alain, qui la surnomme « la Martienne ». Elle entre à l'école normale supérieure et devient agrégée en 1931. En 1934 et 1935, elle décide de travailler en usine comme manœuvre sur machine à l'entreprise Alstom, puis chez Renault. Avant son entrée en usine, elle rédige ce qu'elle appelle son premier grand œuvre, « Réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale ». Son deuxième grand œuvre sera L'Enracinement, qu'elle écrit un an avant sa mort, en 1943. En 1936, elle s'engage aux côtés des Républicains dans la guerre d'Espagne. Son pacifisme résolu change après l'entrée des Allemands à Prague, en 1938. Elle en appelle alors à la lutte armée contre Hitler. La même année, 1938, elle découvre le Christ. Refuse de parler de conversion, mais affirme que toute la pensée du Christ est entrée en elle une fois pour toutes. Pendant l'occupation de Paris, elle gagne Londres et demande à rejoindre le combat de la résistance, insatisfaite de son travail d'intellectuel fonctionnaire. Malade, elle se laisse peu à peu mourir de faim à Ashford en 1943. Elle est alors âgée de 34 ans. Bonjour Robert Chenavier. Bonjour Annel Van Rett. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous ne l'avez pas connue, Simone Veil, mais vous avez passé tellement de temps avec elle que c'est tout comme, non? C'est un peu tout comme, oui. C'est vrai que depuis le début des années 80, je crois que je n'ai pas beaucoup cessé de m'intéresser à Simone Veil, en effet. Vous êtes président de l'Association pour l'étude de la pensée de Simone Veil, responsable de l'établissement des œuvres complètes chez Gallimard. de Simone Veil. Vous avez publié un ouvrage qui lui est consacré, intitulé « Une philosophie du travail » aux éditions du Cerf, ainsi que Simone Veil « L'attention réelle » aux éditions Michelon. Et c'est avec vous que nous allons commencer cette série d'émissions sur Simone Veil. Marianne Faithfull chantait cette chanson de John Lennon, « Working Class Hero ». C'est vrai que ça lui va bien, à cette philosophe à la fois très intellectuelle et très engagée empiriquement dans le monde, que d'être qualifiée de « working class hero », celle qui veut s'engager aux côtés des ouvriers, non ? Ça lui va. Ça lui va dans la mesure où, elle dit qu'au fond, toute sa vie a été consacrée à ce qu'elle appelle l'attente de la vérité, mais elle dit toujours la vérité est expérimentale, donc si on veut parler de la vérité, c'est toujours de la vérité de quelque chose, et si on veut parler de la vérité du travail, eh bien, il faut se faire ouvrière, ce qu'elle a fini par faire. C'est ce que disait l'archive que nous avons entendue de Gustave Thibon. C'est la personne qui l'a rencontrée qui avait le plus de cohérence entre ses idéaux et sa pratique. Oui, une totale cohérence. Je crois qu'elle concevait sa vocation comme une vocation qui supposait d'être toujours exposée. Je crois que c'est le mot qui convient. Elle fait moins des expériences qu'elle n'affronte des épreuves. L'épreuve de la guerre d'Espagne, même si c'est très court, l'épreuve du travail en usine, et elle aurait voulu éprouver aussi la condition d'une combattante en France, puisque quand elle était à Londres, elle ne désirait qu'une chose, c'est être parachutée en France pour être active dans la résistance. Elle aurait aimé faire dérailler des trains. Comment ? Ah oui, parachutée au sens propre du terme. Ah, au sens propre du terme, oui. Et on lui a refusé. Et on lui a refusé. Et je crois qu'en partie, elle en est morte. Parce que justement, ça contrariait une vocation. Un travail d'intellectuel de bureau, ça n'était vraiment pas sa nécessité intérieure. Comme elle disait, sa nécessité intérieure était ailleurs. Mais vous parlez de vocation. De quelle vocation s'agit-il ? La vocation, pour dire les choses vraiment avec une grande catégorie, la vocation de la connaissance du réel. C'est-à-dire que si... Et ça, c'est une vocation philosophique, au fond, la connaissance de la vérité, chercher la vérité ou attendre la vérité. Mais dans la mesure où cette vérité est toujours une vérité de quelque chose, eh bien, sa vocation, c'était de prendre connaissance par une participation ou par une épreuve du réel. C'est-à-dire que le philosophe, ce n'est pas celui qui est dans un séjour qui est celui de la pensée ou de l'écriture, mais c'est celui qui va exposer son dos, si je puis dire, à la griffe du réel. Et finalement, pour elle, c'est à cela qu'on reconnaît la philosophie, c'est une épreuve pratique, comme elle dit. Voilà, c'est quelque chose de pratique et en acte. Un mot sur l'héritage de la pensée de Simone Veil, avant d'entrer dans son œuvre avec vous, Robert Chenavier. Il y a une forme d'hétérogénéité de ce qui nous reste de Simone Veil. Il y a les livres qu'elle a écrit, il y a des articles, des notes de cours, on en parle un peu aujourd'hui, vous en parlez beaucoup, elle est peu enseignée. Comment expliquez-vous cette postérité quand même présente quand on a fait l'annonce de cette série d'émissions ici sur France Culture? On a eu énormément de retours de la part des auditeurs qui se réjouissaient d'une telle série. Comment expliquez-vous cela? Il me semble que l'une des raisons, c'est que précisément, elle avait une méfiance de tous les collectifs, des partis politiques en particulier. Elle avait une méfiance pour toute pensée institutionnelle et constituée. Aujourd'hui, que la masse énorme de la philosophie ou de l'idéologie marxiste a beaucoup faibli, alors que le néolibéralisme donne des résultats que chacun peut apprécier, même si on peut les apprécier différemment, je crois qu'il y a un désarroi. Et au fond, la pensée de Simone Veil dans les années 30, elle emploie beaucoup ce terme, c'est une pensée du désarroi. Nous vivons dans un désarroi au niveau scientifique, au niveau technique, au niveau économique, social, artistique, etc. Et finalement, comme c'est une pensée du désarroi, et aussi d'ailleurs une pensée du malheur, mais je veux dire surtout une pensée du désarroi et de la détresse, elle peut en effet intéresser aujourd'hui pour cette raison. L'héritage philosophique, c'est aussi celui dont elle hérite, et pas seulement celui qu'elle nous laisse. Pour la présenter rapidement, on peut dire qu'elle est héritière à la fois de la pensée de Marx, on l'aura compris, mais aussi de Platon. Elle se situe entre les deux. C'est ça. Alors, en fait, Elle dit de Platon, comme de tous les Grecs, d'ailleurs ils n'ont dit que la moitié parce que ils n'ont pas reconnu la valeur du travail, et elle dit de Marx, c'est un matérialiste qui n'a pas poussé son matérialisme assez loin, mais surtout qui ignorait quelle peut être la part du surnaturel en ce monde. Et par conséquent, son idéal, ce serait, j'allais dire, un Platon qui aurait lu Marx, et un Marx qui avait lu Platon, mais qui aurait tenu compte justement du spirituel ou du surnaturel. Donc on peut la définir aussi bien comme une spiritualiste qui est restée une matérialiste, ou comme une matérialiste spirituelle. Voilà. Donc elle n'est pas à proprement parler, j'allais dire, entre les deux. Elle voudrait pouvoir combiner la pensée de Marx pour ce qui est de l'étude de la nécessité de l'histoire, les forces sociales, etc. Bien qu'elle ne croit pas en la révolution. Hein. Bien que elle soit revenue assez vite de cette idée de révolution. Et puis, on va dire un idéalisme, pas au sens péjoratif, platonicien, pour qui le bien ne peut pas être produit simplement par la nécessité historique. Ce qui fait que quand vous parlez de Simone Veil, vous la qualifiez non pas simplement de philosophe du travail, mais de quelqu'un qui aurait développé une spiritualité du travail, dites-vous. Oui, une spiritualité du travail. Je crois que cette spiritualité, elle est née à l'usine, elle est née de son expérience d'usine, parce qu'à l'usine, elle fait l'expérience de ce qu'elle appelle l'oppression, c'est-à-dire un abus de domination de ceux qui commandent sur ceux qui exécutent. Bon, elle fait l'expérience de l'oppression, de la division du travail, mais en même temps, elle rencontre dans l'acte même de travail une forme de nécessité qui n'est plus une nécessité contraignante, socialement, qui est la nécessité d'affronter une matière, la nécessité d'avoir à obéir finalement aux matériaux qu'on travaille, etc. Et là, elle dit, c'est justement la part la plus intéressante du travail qui peut être spiritualisée. Le travail taylorisé ou opprimé ne peut pas l'être parce qu'il tue l'esprit, c'est un crime contre l'esprit, mais il y a dans l'acte de travail quelque chose qui est un modèle possible de spiritualité pour ceux qui ne sont pas seulement des mystiques ou des intellectuels ou des philosophes. C'est-à-dire que, au fond, la spiritualité, elle est possible aussi par en utilisant des outils et en travaillant de la matière. De son expérience à l'usine, elle tient un journal, oui. Elle écrit des textes que je vous propose de découvrir maintenant. Un extrait de son journal de l'usine, c'est lu par Anne Brissier, écoutez. L'après-midi, fatigue, augmentée par l'atmosphère étouffante, chargée d'odeurs, de couleurs, vernis, etc. Je me demande si je pourrais maintenir la cadence. Mais à 4 heures, Martin, contremaître, un beau gars, à l'art et à la voix affable, vient me dire bien poliment « Si vous n'en faites pas 800, je ne vous garderai pas. Si vous en faites 800 les 2 heures qui restent, je consentirai peut-être à vous garder. » Il y en a qui en font 1200. Je force, la rage au cœur, et j'arrive à 600 l'heure, en trichant un peu sur le compte, le sens des pièces. À 5h30, Martin vient me prendre le compte et dit « Ce n'est pas assez ». Puis il m'aide à ranger les pièces d'une autre, laquelle n'a pas un mot ni un sourire d'accueil. À 6h, en proie à une rage concentrée et froide, je vais dans le bureau du chef d'atelier et demande carrément « Est-ce que je dois revenir demain matin ? » Il dit, assez étonné, « Revenez toujours, on verra, mais il faut aller plus vite. » Je réponds, « Je tâcherai, et pars. » Au vestiaire, étonnement d'entendre les autres caqueter, jacasser, sans paraître avoir au cœur la même rage que moi. Au reste, le départ de l'usine se fait en vitesse. Jusqu'à la sonnerie, on travaille comme si on en avait encore pour des heures. La sonnerie n'a pas encore commencé à retentir que toutes se lèvent comme mues par un ressort, courent pointées, courent au vestiaire, enfilent leurs affaires en échangeant quelques mots, courent chez elles. Moi, malgré ma fatigue, j'ai tellement besoin d'air frais que je vais à pied jusqu'à la Seine. Là, je m'assieds au bord, sur une pierre, morne, épuisée, et le cœur serré par la rage impuissante, me sentant vidé de toute ma substance vitale. Je me demande si, au cas où je serais condamnée à cette vie, j'arriverais à traverser tous les jours la Seine sans me jeter une fois dedans. Vous Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h15, c'est le premier temps de notre série d'émissions sur la philosophe Simone Veil en compagnie du philosophe Robert Chenavier. Le texte que l'on vient d'entendre décrit de manière très précise la condition ouvrière dans laquelle Simone Veil décide de se glisser. C'est aussi le titre d'un ouvrage d'elle que l'on peut lire aujourd'hui, hein, La condition ouvrière. Et ce qu'il y a de très frappant, c'est la précision avec laquelle elle relate la journée de l'ouvrière qu'elle devient. Et c'est à la fois une dimension, disons, descriptive, presque littéraire, parce que quand on le lit, quand on l'entend, ça glace le sang de voir ce réalisme. Et en même temps, on sent bien que pointe, même si pas encore dans ce texte-là, une réflexion qui, elle, est philosophique. Est-ce que pour elle, la ressaisie philosophique et conceptuelle, qui l'anime depuis le début, vous parlez de vocation, est présente dès le premier jour de cette expérience à l'usine, Robert Chenavier? Elle est présente, comment dire, elle est inhibée et occultée pendant son expérience de la vie d'usine, parce qu'elle le dit dans ce texte, au fond, on ne peut penser à rien, on sort, on est content d'aller prendre l'air, de marcher le long de la Seine, etc. Mais en même temps que la pensée est inhibée pendant le travail, qu'est-ce qu'elle a des choses à dire, effectivement, sur cette expérience, puisqu'elle a des paroles pour le dire, elle a des mots pour le dire, alors que celle, puisque ce sont surtout des femmes, celles avec qui elle travaille, n'ont pas les mots. Donc, elle fait là l'expérience de quelque chose qui a beaucoup d'importance pour elle, c'est-à-dire comment saisir les pensées sourdes et les besoins sourds des malheureux, qui en général ne parlent pas, le malheur est muet, elle aime beaucoup reprendre ce proverbe grec, donc elle veut faire parler cela. Mais au fond, il y a deux temps différents. D'ailleurs, après qu'elle soit sortie de l'usine, pendant qu'elle elle écrit à Albertine Thévenon, elle écrit des choses aussi à Souvarine pendant son année d'usine, mais on a perdu beaucoup de lettres, mais elle dit à ses interlocuteurs, gardez ces lettres parce que finalement j'ai peur d'oublier, donc je vous les redemanderai si un jour je veux écrire là-dessus. Comme si, une fois que la porte du malheur était refermée, on avait tendance à revivre et à penser à autre chose et à laisser ça, finalement, dans le secret. Il faut garder en tête que cette expérience à l'usine est finalement assez brève. C'est oui. Un peu comme l'expérience du philosophe Thoreau au bord du lac Walden, hein, dont on pense qu'il y a passé sa vie. En fait, oui, il savait que ça allait être temporaire et ça allait durer 2 ans et 2 mois. Mmh. Chez Simone Veil, le passage à l'usine est encore plus court. Il est court. Elle entre à l'usine le 4 septembre 1934. Elle arrête le travail probablement autour du 25 août, ou peut-être même un peu avant. Et puis, dans les trois expériences qu'elle fait à l'usine, Alstom, les forges de Carnot et Renault, il y a des mises à pied, il y a des congés maladie. Donc, finalement, c'est loin d'être une année complète. Mais elle a cette caractéristique qui lui est propre de pouvoir traverser des milieux très vite, très rapidement, et d'en retenir la substance et de pouvoir restituer cette substance. Au fond, c'est vrai de son année d'usine, comme c'est vrai du passage éclair qu'elle fait en Espagne, mais d'où elle tire finalement des réflexions que d'autres n'ont pas tirées en y restant beaucoup plus longtemps. Parallèlement à son expérience en usine, elle a enseigné la philosophie, mais elle s'est aussi engagée de manière militante auprès des ouvriers. Oui, dès sa première année au Puy, en Velay, en 1931-32, c'est vrai qu'elle sympathise avec des chômeurs qui sont sur la place devant son lycée pour casser. Ils sont employés par la mairie à casser des cailloux pour les occuper. Donc elle va à la mairie avec eux pour formuler leurs revendications. Elle va au café avec eux où elle boit du vin rouge et ça déplaît fortement aux autorités, au recteur. Et en fait, elle est plus que auprès, elle est toujours avec. C'est-à-dire que elle n'a jamais été compagne de route, hein, de quoi que ce soit. Si elle s'engage, elle veut être parmi ceux qui. Voilà. Donc, ceux qui travaillent, ceux qui souffrent, etc. Donc, ça, tout de suite, effectivement. Puis elle donne des cours à la Bourse du Travail de Saint-Étienne. Enfin, bon, elle est dans le milieu ouvrier. Elle n'est pas simplement en visite ou en parallèle. Et en même temps, elle demande un congé pour pouvoir continuer la rédaction de ses travaux universitaires. Oui, c'est un prétexte qu'elle donne pour pouvoir aller travailler à l'usine, congé personnel pour recherche personnelle. Mais en réalité, je crois que... C'est un alibi ? Ah, c'est de toute façon, oui, c'est un alibi, parce qu'elle sait très bien qu'elle ne va pas faire de recherche. En tout cas, pas au sens universitaire du terme. Elle ne demande pas un congé pour rédiger une thèse. Elle sait qu'elle va aller travailler en usine, ce qui était un projet qu'elle avait depuis longtemps, même au moment où elle préparait l'agrégation. Elle a dit à son amie Simone Pétremont qu'elle avait déjà l'idée de le faire. Et si elle le fait en fin 34, c'est parce que après avoir réfléchit de façon critique à la fois sur sa propre expérience politique, sur le syndicalisme. Elle est allée en Allemagne aussi à la fin de la première année de sa première année d'enseignement au Puy, et elle a étudié la question sociale de très près. Elle a écrit les réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, son premier grand œuvre, comme vous l'avez dit. Et à ce moment-là, elle estime qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu dans le domaine théorique, dans le domaine de la critique théorique. Donc il faut passer à l'expérience. Il faut faire ce que, comme elle le dit, les grands dirigeants du mouvement ouvrier n'ont pas fait, c'est-à-dire aller à l'usine. Et de cette expérience, elle va tirer des écrits qui sont vraiment passionnants, non seulement par la description, on en a entendu un extrait, mais aussi par l'analyse conceptuelle qu'elle esquisse au sein de ces lignes. On va écouter un second extrait qui distingue de manière précise, là encore, et vous verrez comment le concept apparaît dans cette description très matérielle des machines et de la vie de l'ouvrier. Elle distingue d'un côté le rythme et de l'autre la cadence. Le rythme est essentiel pour penser, la cadence de la machine, au contraire, annihile toute forme de pensée. Toutes les suites de mouvements qui participent du beau et s'accomplissent sans dégrader enferment des instants d'arrêt, bref comme l'éclair, qui constitue le secret du rythme et donne au spectateur, à travers même l'extrême rapidité, l'impression de la lenteur. Le coureur à pied, au moment qu'il dépasse un record mondial, semble glisser lentement, tandis qu'on voit les coureurs médiocres se hâter derrière lui. Plus un paysan fauche vite et bien, plus ceux qui le regardent sentent que, comme on dit si justement, il prend tout son temps. Au contraire, le spectacle de manœuvre sur machine est presque toujours celui d'une précipitation misérable, d'où toute grâce et toute dignité sont absentes. Il est naturel à l'homme et il lui convient de s'arrêter quand il a fait quelque chose, fût-ce l'espace d'un éclair pour en prendre conscience, comme Dieu dans la Genèse. Cet éclair de pensée, d'immobilité et d'équilibre, c'est ce qu'il faut apprendre à supprimer entièrement dans l'usine quand on y travaille. Les manœuvres sur machine n'atteignent la cadence exigée que si les gestes d'une seconde se succèdent d'une manière ininterrompue et presque comme le tic-tac d'une horloge, sans rien qui marque jamais que quelque chose est fini et qu'autre chose commence. Cet enchaînement ininterrompu tend à plonger dans une espèce de sommeil, mais il faut le supporter sans dormir. Ce n'est pas seulement un supplice. S'il n'en résultait que de la souffrance, le mal serait moindre qu'il n'est. Le rythme n'est pas la cadence, et la cadence a cet aspect répétitif qui empêche de penser. Ce que nous dit Simone Veil dans ce texte, c'est que les mots ont un sens, et si les mots sont impossibles à prononcer dans le cadre d'un travail ouvrier, c'est pourtant une des seules voies de sortie même de l'ouvrier pour commencer à comprendre même ce qui est en train de se passer. La métaphore du coureur à pied qui est en train de franchir la ligne d'arrivée est très parlante, Robert Chenavier, parce qu'on voit en effet, alors même avant l'invention du ralenti sur nos écrans, on voit très bien comment le pied qui s'approche de la ligne d'arrivée effectue comme quelque chose qui ressemble à un ralenti. C'est un mouvement lent qui montre l'importance de ralentir pour comprendre. Or, à l'usine, eh bien, c'est ce qui est absolument impossible. On ne ralentit jamais. Absolument impossible. Ça ne ralentit jamais. La question du rythme, c'est toujours la question de l'unité entre le rapide et le lent. Et quand cette unité est bien réalisée, bien effectuée, on a l'impression de la lenteur. En tout cas, on n'a jamais l'impression, en effet, d'une précipitation ou de quelque chose qui se fait en force. Seul le mauvais coureur à pied donne l'impression, en effet, de forcer ou de travailler, on va dire, ou de faire un effort. Alors, ce texte, il est... Il est en effet intéressant parce que il met au, au cœur de la préoccupation de Simone Veil, la question du temps, précisément. Elle dit « le temps et le rythme sont les problèmes clés du problème de la question ouvrière ». C'est-à-dire, soit on est dans le rythme qui, combinant correctement le rapide et le lent, permet une ouverture sur l'esprit. Au fond, le rythme rend la pensée pénétrable au corps. On a l'impression d'une harmonie parfaite. Alors, on peut y introduire une forme de finalité, on peut y introduire une attente. Le rythme permet d'attendre quelque chose, comme quand on écoute un morceau de musique et que tel passage nous fait attendre ce qui va venir, qui est à la fois prévisible et totalement imprévu. Elle dit ça de la danse aussi, le mouvement de la danseuse. Il est prévisible dans une certaine mesure, mais en fait, ce qu'elle fait est aussi quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir. Donc, c'est cela qui nourrit finalement l'esprit, c'est cette attente. Alors que dans la répétition, on est seulement dans un univers de moyens, d'intermédiaires. Il faut qu'un geste succède à un geste, un peu comme le tic-tac d'une horloge, comme elle est dit dans le texte. Et là, l'esprit ne peut pas se loger. La pensée ne peut pas du tout pénétrer ce que fait le corps, qui est un ensemble de gestes répétitifs qui ne supposent aucune forme de conscience et qui récusent même toute conscience. Il ne faut pas d'esprit pour pouvoir bien travailler, entre guillemets, de cette façon-là. Et dans quelle mesure ce qu'elle affirme ici est novateur? Parce que l'impossibilité de penser pour les ouvriers dans un travail avec la répartition des tâches qui assigne aux ouvriers des tâches très très douloureuses, elle a été faite avant Simone Veil, justement. Oui, il y a des témoignages d'expériences d'usines, soit par des ouvrières ou des ouvriers eux-mêmes, ou alors il y a des sociologues, bon, Friedman, etc. Mais bon, de la part des sociologues, ça ne correspondait pas à une expérience vécue. Et de la part des témoignages ouvriers, bon, on va dire que il n'y avait pas ce passage, évidemment, il y avait un témoignage, mais il n'y avait peut-être pas le passage à l'analyse, bon, de catégorie. Mais Marx le dit très bien dans Le Capital. Oui, oui, aussi. Oui, il le dit. Il le dit sur la base, là aussi, probablement, de témoignages qu'il avait lus. Oui, ça se sait. En même temps, je crois que si on compare les témoignages, il y a peu de témoignages qui aillent tout de suite au cœur du problème, comme le fait Simone Veil. C'est-à-dire décrire le sentiment d'un exil spatial et temporel chez celui qui travaille, d'un travail parcellaire ou taylorisé, le sentiment d'un exil total, donc d'un, ce qu'elle appellera plus tard, mais enfin on peut employer le terme, d'un déracinement de la condition humaine. Je crois que personne, à ma connaissance, n'est allé aussi loin dans la description du malheur de l'esclavage au travail comme déracinement de la condition humaine. Puisque rien de ce qui définit la condition humaine, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles, que nous n'avons pas choisies évidemment, mais dans lesquelles nous pouvons faire quelque chose, à partir du moment où les conditions sont écrasantes à ce point, eh bien, il y a simplement une condition, mais j'allais dire, elle n'est pas humaine du tout, mais en même temps, et c'est là aussi que la caractéristique de la pensée de Simone Veil, elle dit, si encore le travailleur était quelqu'un qui était mort, bon, eh bien, il deviendrait un morceau de matière qui effectue des gestes, mais le problème, c'est qu'il faut être mort à la fois, il faut que la pensée et la conscience soient mortes, mais en même temps, il faut rester vivant, parce qu'il faut rester vigilant, parce qu'il peut y avoir des incidents sur la machine, parce qu'on reçoit des ordres, etc. Et elle dit, c'est cette condition d'être à la fois une chose et un être vivant qui est quelque chose de parfaitement invivable parce que c'est parfaitement contradictoire. Là, je crois qu'on a la pointe extrême de sa pensée et que là, elle a une originalité. Sur la notion du déracinement, elle dit « l'usine fait des ouvriers dans leur propre pays, des étrangers, oui, des exilés, des déracinés ». Pourquoi est-ce que la notion même d'enracinement est si importante pour Simone Veil dans sa philosophie du travail ? Alors, elle est importante dans sa philosophie du travail comme dans d'autres formes de sa philosophie parce que l'enracinement, c'est une culture du milieu. C'est une culture du quotidien. Et donc, des milieux dans lesquels on vit. Donc, l'un des éléments de cette culture du quotidien, c'est le travail, qui occupe une place évidemment très importante. Donc, est-ce que ce milieu permet ou non de s'élever ? Bon, s'il écrase, eh bien, on est une chose. S'il écrase en disant « oui, mais il faut quand même que vous restiez vivant », alors on est dans le malheur extrême. Donc, en fait, le véritable enracinement, ce serait un milieu de travail qui permette la parfaite harmonie de l'esprit, des gestes, l'autonomie, une connaissance de la nécessité de ce qu'on travaille, et donc une forme de libération par rapport à sa condition. Mais il y a la notion d'un pays, d'une identité spatiale, dans la notion d'enracinement. Elle parle d'exilé étranger, comme s'il y avait une non-reconnaissance de soi dans le lieu de l'usine. Ah oui, oui, oui. Oui, à l'usine, l'ouvrier n'est pas chez lui. Et dans le temps des horloges de l'usine ou du chronométrage de l'usine, il n'est pas non plus dans son temps. Alors c'est vrai que... Mais l'enracinement est toujours quelque chose qui est à concevoir au pluriel. Si elle dit les ouvriers sont en exil, oui, mais ils sont plus en exil de la condition humaine qu'en exil d'une nation ou d'un pays. Je crois qu'on a trop interprété l'enracinement comme un livre qui faisait référence à une identité de pays, de nation, et même à une identité tout court. Oui, en parce fait, que c'est aussi le titre d'un livre de Simone Veil dont on parlera voilà, jeudi prochain. C'est ça. Mais l'enracinement, c'est une multiplicité de milieux, et c'est la communication entre ces milieux. Nous sommes des êtres vivant dans des milieux différents et à des niveaux différents. Donc l'enracinement suppose cette pluralité des enracinements dans le travail, mais aussi dans d'autres secteurs de la vie personnelle ou de la vie sociale. Alors pourquoi Simone Veil prend-elle ses distances, et encore c'est un euphémisme, avec le marxisme, alors qu'elle rejoint Marx sur beaucoup d'analyses? Elle dit comme théorie de sortie hors de l'oppression, le marxisme est un néant. Oui. Oui, alors c'est très sévère, elle le sait d'ailleurs que c'est sévère, parce que par ailleurs elle a une certaine admiration pour la pensée de Marx en disant il aurait pu être pour la science sociale ce que Darwin a été pour la biologie, c'est-à-dire que Darwin nous a introduit dans une science alors que chez Lamarck on était encore dans une sorte de mythologie, la fonction crée l'organe, alors que chez Darwin c'était les conditions d'existence qui permettaient d'expliquer l'évolution. Donc elle dit au fond Marx aurait pu être le Darwin des sciences sociales, s'il ne l'a pas été c'est parce que il y a chez lui, dit-elle, une contradiction entre sa pensée scientifique et son idéal de justice. Et finalement, comme il était indigné et révolté par le malheur, il n'a pas pu donner toute sa place à l'idéal de justice. Il a cru que cet idéal de justice était inscrit dans la nécessité de l'histoire et que le sens de l'histoire allait à la fois dans le sens de la nécessité et dans le sens de l'idéal. C'est-à-dire que le communisme, par exemple, c'est à la fois un produit nécessaire de l'évolution historique et des contradictions du capitalisme, et en même temps, c'est un idéal. Elle dit, en fait, il a confondu deux niveaux qui sont justement distincts chez Platon, c'est-à-dire la nécessité et le bien. C'est-à-dire que selon Marx, ce sont les structures de production au moment où il écrit qui vont conduire à un dérèglement, à une révolution qui va pouvoir... instituer ou amener cet idéal même de justice une fois que les conditions de structure de travail de production vont changer. C'est ça. Simone Veil dit non. Elle dit non parce qu'elle dit finalement là il revient à Lamarck au lieu d'être Darwin. C'est-à-dire qu'au fond l'évolution des forces productives c'est quelque chose de lamarckien. À un moment donné, les forces productives vont heurter des rapports de production, vont les renverser et on aura des rapports de production adaptés. Elle dit en fait on est plutôt dans Lamarck. On est plutôt dans une forme de finalité immanente, dans une pensée d'ailleurs dont elle dit elle est quasi religieuse, on inscrit du bien dans une évolution nécessaire. Et là, elle pense qu'il y a une erreur dans la mesure où on ne peut pas confier la réalisation du bien, de la justice ou d'une valeur à la nécessité historique. Mmh. La nécessité historique, ça sera toujours des rapports de force, ça sera toujours de la violence, ça sera toujours quelque chose qui est étranger au bien. Donc, en fait, le bien ne peut que descendre... d'ailleurs que de la nécessité. Et donc cet ailleurs, c'est l'homme ou c'est Dieu ? Alors cet ailleurs, pour elle, il est certain que c'est d'un autre séjour qu'on peut appeler Dieu. Alors on en fera une philosophe chrétienne, qu'on peut appeler aussi le bien, et on dira elle est platonicienne. Je crois qu'on peut lire Simone Veil dans ce double registre, chrétienne ou platonicienne ou chrétienne et platonicienne. Mais au fond, ceux qui sont gênés par la référence chrétienne peuvent comprendre dans la mesure où ils ne sont pas complètement étrangers et ignorants du platonisme. Alors un mot quand même avant qu'on en dise davantage et qu'on écoute Simone Veil faire ce parallèle qui peut paraître hallucinant hein, entre le travail et l'Eucharistie. Elle fait elle-même le lien. Pourquoi la religion prend-elle une telle place chez elle ? J'ai dit en introduction qu'elle avait rencontré le Christ. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le terme qu'elle emploie. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'était totalement inattendu pour elle, que c'est totalement inattendu pour nous aussi, parce que comment une intelligence critique, elle se dit largement elle-même d'ailleurs matérialiste pour tout ce qui concerne les affaires de ce monde, comment une telle intelligence critique qui ne s'en laisse pas compter, qui ne veut pas se laisser bourrer le crâne, c'est une expression qu'elle emploie souvent, il ne faut surtout pas se laisser bourrer le crâne, comment cela a-t-il pu lui arriver ? Eh bien, je crois qu'elle-même, elle est assez incapable de l'expliquer, et qu'elle dit d'ailleurs dans une correspondance avec son ami le dominicain, le père Perrin, « Même après cette expérience, je n'ai pas refusé mon amour, mais j'ai à moitié refusé mon intelligence. » Et même, je dirais que ça ira plus loin, elle finira aussi, pas par refuser son amour, mais enfin elle aura un déchirement, comme elle dit, qui lui traverse autant le cœur que l'intelligence, c'est qu'elle se demande bien comment Dieu ou le Christ a pu venir la chercher, elle, ce morceau mal coupé, indigne, mal fichu, qui souffre de maux de tête tout le temps, qui n'est pas du tout à la hauteur de sa vocation, etc. Donc elle reste dans le déchirement. Le seuil mystique qu'elle franchit n'est jamais une sorte de refuge, elle n'a pas enfin découvert la vérité, elle reste quelqu'un de profondément tourmenté. Donc la vérité reste du côté de la philosophie, pas de la religion, pour elle. Même alors elle est aussi, dans la mesure, elle dit, je citais je crois tout à l'heure la formule, elle dit au fond toute ma vie n'a été que l'attente de la vérité, elle dit l'attente de la vérité, pas l'attente de Dieu, mais de toute façon elle dit quand on cherche l'une, la vérité, on finit toujours par rencontrer Dieu, le Christ a dit je suis la vérité, donc ça elle l'entend en un sens très fort, puisqu'elle va même jusqu'à dire le Christ aime qu'on lui préfère la vérité. Oui, mais une chose est de dire que la vérité est égale à Dieu, une autre est de parler du Christ. Surtout quand elle est née dans une famille juive, Christ, c'est autre chose que Dieu. Le Christ, c'est quand même le Dieu qui s'est fait homme. Donc là, on est dans un registre de métaphore différent. Et c'est ce qui est très important pour elle, c'est qu'au fond, elle est d'ailleurs de ce point de vue-là beaucoup plus christique que chrétienne, et encore, elle est d'un christisme, si on peut dire, très particulier, puisqu'elle considère que l'essentiel dans l'événement du Christ, dans l'événement historique du Christ, c'est la passion et la crucifixion. Puisqu'elle dit, c'est là qu'on a le plus grand écart possible entre Dieu et puis une déchéance humaine. Dieu a voulu aller jusqu'à une déchéance totale sur la croix. Donc elle dit, au fond, la crucifixion me suffirait. Je n'ai pas besoin de la résurrection. Me suffirait la sienne ou celle du Christ ? Non, la résurrection, la crucifixion lui suffirait à elle pour qu'elle croie. Parce que pour le reste, la vie éternelle et la résurrection, elle dit, ça n'est pas notre affaire. Alors écoutons comment en 1943, plus de 10 ans après les premiers textes que nous avons entendus et donc après son engagement à l'usine, donc un an avant sa mort à Londres, Simone Veil écrit un texte qui s'appelle « La personne et le sacré » dans lequel elle revient sur son analyse du travail. Et je vous le disais, elle fait un lien, un parallèle entre le travail et l'hostie. Écoutez ce texte. Oui. Avilir le travail est un sacrilège, exactement au sens où fouler aux pieds une hostie est un sacrilège. Si ceux qui travaillaient le sentaient, s'ils sentaient que du fait qu'ils en sont victimes, ils en sont en un sens les complices, leur résistance aurait un tout autre élan que celui que peut leur fournir la pensée de leur personne et de leurs droits. Ce ne serait pas une revendication. Ce serait un soulèvement de l'être tout entier, farouche et désespéré. Et ce serait en même temps un cri d'espérance issu du fond du cœur. Ce sentiment habite bien en eux, mais tellement inarticulé qu'il est indiscernable pour eux-mêmes. Les professionnels de la parole sont bien incapables de leur en fournir l'expression. Quand on leur parle de leur propre sort, on choisit généralement de leur parler de salaire. Eux, sous la fatigue qui les accable et fait de tout effort d'attention une douleur, accueillent avec soulagement la clarté facile des chiffres. Ils oublient ainsi que l'objet à l'égard duquel il y a marchandage, dont ils se plaignent qu'on les force à le livrer au rabais, qu'on leur en refuse le juste prix, ce n'est pas autre chose que leur âme. Imaginons que le diable est en train d'acheter l'âme d'un malheureux et que quelqu'un, prenant pitié du malheureux, intervienne dans le débat et dise au diable « Il est honteux de votre part de n'offrir que ce prix. L'objet vaut au moins le double. » Cette farce sinistre est celle qu'a jouée le mouvement ouvrier, avec ses syndicats, ses partis, ses intellectuels de gauche. Dureté de Simone Veil à l'égard de ses semblables, Robert Chenavier. Encore dureté n'est pas un terme assez fort. Alors, ouais. J'annonçais ce texte comme étant une manière pour elle de faire le lien entre le travail et la religion. En fait, quand on l'entend, on voit qu'il dépasse largement ce parallèle. Elle dénonce non seulement les intellectuels de gauche, mais en général, les professionnels de la parole qui sont bien incapables de fournir l'expression aux ouvriers. Oui. Elle a toujours opposé, là c'est un texte de la fin de sa vie, de 43, mais elle a toujours opposé ceux qui gouvernent et qui dominent par la parole et par le langage et ceux qui travaillent. Et là, en l'occurrence, elle considère en effet que les professionnels de la parole ne sont pas bien placés pour exprimer ce que j'appelais tout à l'heure les pensées sourdes, c'est elle qui emploie ce terme d'ailleurs, les pensées sourdes ou les besoins sourds d'un peuple. Et dans ce texte, effectivement, il y a un lien entre travail et religion au sens où profaner le travail, avilir le travail, c'est comme profaner l'hostie, dans la mesure où le travail est pour elle, on va dire, l'activité sacrée par excellence. Elle est l'activité sacrée. Parce que par le travail, dans la perspective spirituelle, nous achevons d'une certaine manière la création, c'est-à-dire que nous donnons à ce monde dont elle dit qu'il est irréel, qu'il est illusoire. Bon, nous sommes comme les prisonniers de la caverne chez Platon, mais par le travail, nous donnons une réalité à ce monde. Nous en faisons quelque chose qui est finalisé, qui a un sens, qui a une beauté. Cette beauté est en signe effectivement d'autre chose, bon, de son créateur, de Dieu. Donc si on avilit le travail, on commet véritablement un crime contre l'esprit, comme elle le dit. Le taylorisme, elle le dit textuellement, c'est un crime contre l'esprit. Donc, et qui est une parole biblique, enfin, un crime contre l'esprit, ça va très loin. Et elle dit dans ce texte que si ceux qui sont ainsi avilis ou opprimés se rendaient compte que ce que l'on cherche à leur acheter en leur proposant un salaire supérieur, en leur proposant tel ou tel avantage, c'est leur âme, elle dit, il en résulterait une révolte bien plus profonde, bien plus radicale. C'est-à-dire que, comme toujours, chez elle, ce qui relève simplement du droit, du contrat ou de la revendication a une place. Elle dit, c'est la région moyenne des valeurs, et la région moyenne des valeurs, elle a une place dans la vie sociale. Donc il faut du contrat, il faut de l'échange, il faut du donnant-donnant, il faut de l'équivalence, etc. Mais il y a toujours dans le droit et dans le marchandage et dans l'achat-vente une part, justement, de compensation. Donnez-moi quelque chose qui compense. Mais quand c'est son âme que l'on tue au travail, il n'y a pas de compensation possible. Bon, c'est le rappel aussi du thème kantien de la dignité, ce pourquoi il n'y a pas d'équivalence. C'est autre chose que la valeur. Que donner en échange de mon âme. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on retient souvent des derniers textes de Simone Veil qu'elle dit, bon, dans le travail, il y a un aspect de nécessité, d'obéissance absolue, et c'est cela qu'on peut spiritualiser. Oui, mais à condition qu'on puisse spiritualiser. À partir du moment où on est dans des conditions comme celles qu'elle décrit à l'usine, alors elle dit, les seuls mobiles qui vont sortir de cette condition, c'est des sous, des avantages, plus de ceci ou plus de cela, et là on va tomber dans la revendication au sens du donnant-donnant. Donc il faudrait une forme de révolte beaucoup plus radicale. Oui. Donc la spiritualité est une forme de révolte chez elle, c'est pas ça. Une forme de soumission, pas du tout. Oui, elle le croit, autant elle ne croit pas en la révolution au sens marxiste du terme, autant elle en appelle dans le texte un soulèvement de l'être tout entier, farouche et désespéré. C'est ça. Donc c'est plus la notion de révolte finalement qui est centrale en ce sens-là. Mais elle suppose quand même, pour que cette révolte aboutisse, il faut qu'elle ait des interprètes. Il faut qu'il y ait des gens qui la perçoivent et des gens qui l'interprètent et qui la mettent en parole. Et c'est cela qu'elle prétend essayer de faire. Elle fait la même chose dans l'Enracinement, d'ailleurs, où elle dit, au fond, ça serait le rôle du gouvernement, enfin, du mouvement de la France libre. Comme il n'est pas un gouvernement, il a la capacité, justement, de pouvoir saisir ses pensées et ses besoins sourds, que les intellectuels ou les partis politiques ou les syndicats tournent immédiatement, j'allais dire, en paroles presque convenues ou en discours convenus, qu'on appelle ça la langue de bois ou la langue de coton ou tout ce qu'on veut. Et en fait, ça manque complètement le niveau de la réalité de ce que les gens désirent. Au fond, elle voudrait réintroduire ou introduire une forme de spiritualité au sein de l'univers matériel dans lequel vivent les ouvriers et tous ceux qui travaillent sans se reconnaître dans leur travail. Oui, et c'est en ce sens qu'elle dit effectivement, alors si on dit religion, on va heurter tout de suite un certain nombre de gens qui vont dire « Ah non, moi je ne marche pas ». Elle emploie beaucoup le terme de spiritualité en disant « si on dit que la société dans laquelle nous vivons et notamment les rapports de travail manquent de spiritualité », elle va dire tout le monde sera d'accord. Les chrétiens l'accepteront évidemment, mais les marxistes aussi, dans la mesure où elle rappelle qu'il y a des formules célèbres de Marx, en particulier dans le manifeste communiste qui dit que le capitalisme et la bourgeoisie a tout noyé dans les eaux du calcul égoïste. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il rappelle la spiritualité du Moyen-Âge, etc. Tiens, quand même. Bon, et elle dit, bon, mais même les francs-maçons ou les athées pourrait admettre cette notion d'une spiritualité. L'important étant que on sache que la spiritualité, c'est quelque chose qui est ancré dans un besoin réel, très réel et central, qui est au centre du cœur humain et qui s'appelle la justice et le bien. Au fond, qui n'éprouve pas ce besoin de justice et ce besoin du bien. Et elle dit c'est une réalité autant que les orbites des astres. Hein, ça joue un rôle aussi important dans le monde que les rapports matériels ou que la loi de Galilée. On a jusqu'à jeudi pour développer ces questions-là. Son engagement politique qui pose beaucoup de problèmes. Comment est-il compatible avec la spiritualité, son rapport à la religion, la question de l'enracinement. Je vous propose qu'on se quitte avec un autre témoignage, Robert Chenavier. On avait commencé à Gustave Thibon. C'est Robert Schumann. Écoutez la manière qu'il a de parler de Simone Veil et surtout de sa fin tragique qu'il faut que l'on commente. Ouais. Ce que représente pour moi Simone Veil est tout entier contenu dans le mystère de sa mort. J'ai la conviction que Simone Veil s'est laissé mourir, par sympathie sans doute, avec les victimes de l'occupation qui ne mangeaient pas à leur faim, avec ceux qui peuplaient l'univers concentrationnaire, mais aussi et peut-être surtout par une sorte d'égoïsme divin. Elle avait souhaité une mission en France occupée. Cette mission lui avait été refusée par son héroïque camarade de l'école normale, Cavaillès, qui lui avait fait remarquer qu'elle avait un physique trop reconnaissable et que, par voie de conséquence, elle pourrait nuire à ses compagnons. Or, Simone a toujours eu la conviction qu'elle ne trouverait la vérité pour laquelle elle souffrait, que dans un instant d'extrême souffrance et d'extrême sacrifice. Alors le jour où, déjà malade, gravement malade, elle a appris que cette joie, j'ose employer ce mot, cette joie métaphysique lui serait refusée, elle a décidé de mourir. Et elle est morte. Il s'agit évidemment de Maurice Schumann et non pas Robert Schumann, comme je l'ai dit. Alors, la mort de Simone Veil, Robert Chenavier, elle est morte à 34 ans, on dit. Alors, elle nous dire ce qu'il en est, qu'elle s'est laissée mourir de faim, qu'elle était malade. En tout cas, ça ressemble à une forme de suicide. Maurice Schumann dit, voilà, est-ce la solidarité envers les victimes de la guerre ou, dit-il, de l'égoïsme divin comme par nécessité de souffrir? Qu'en est-il, selon vous? Oui, on a dit beaucoup de choses sur cette mort. Alors, dire qu'elle s'est laissée mourir de faim, non, parce que on a quantité de témoignages de Madame Clauzon et de beaucoup d'autres qui sont allés la visiter, soit à l'hôpital à Londres, soit à Ashford où elle est morte, et qui disent elle ne refusait pas de se nourrir. Et les médecins qui l'ont soignée disent elle ne refusait pas, c'est qu'elle ne pouvait pas se nourrir. Alors c'est vrai qu'elle était tuberculeuse, c'est vrai qu'elle était très affaiblie, c'est vrai qu'elle s'est infligée des privations qu'elle n'aurait pas dû se priver parce qu'elle ne voulait pas manger plus que les Français en France occupée, qui mangeaient avec simplement ce que les tickets leur permettaient d'acheter, etc. Bon, tout ça par solidarité, effectivement, comme le dit Maurice Schumann. En même temps, l'essentiel, c'est probablement que comme on le disait tout à l'heure, sa vocation étant d'être exposée, ne jamais être à l'arrière. Elle retenait ça de cette leçon d'Alain qui disait, bon, la pire situation, c'est ceux qui sont à l'arrière. Pourquoi le philosophe Alain qui avait été son professeur. Qui avait été son professeur, donc en première supérieure au lycée Henri IV. Et bon, Alain lui-même s'était engagé pendant la guerre de 14, alors qu'il avait déjà, c'était plus un tout jeune homme. Et Simone Veil est allée en Espagne pour cette raison. Elle était pacifiste quand elle est allée combattre en Espagne. Mais elle disait, bon, je ne peux pas rester à l'arrière, c'est impossible. Je souhaite la victoire des uns et la défaite des autres, donc il faut que j'y sois. sinon c'est une forme de, c'est un manque de probité, comme elle dit, c'est un manque d'honnêteté. Donc elle voulait aussi être parachutée en France pour cette raison, pour y être, et au fond l'accomplissement de sa vocation exigeait qu'elle fût ainsi parachutée en France pour y avoir une mission dangereuse. Il doit toujours pour elle y avoir concordance entre ce qu'elle appelle sa nécessité intérieure, bon, j'appelle autrement sa vocation, c'est plus simple, et puis les conditions politiques et historiques dans lesquelles doivent se réaliser cette vocation ou cette nécessité. S'il n'y a pas encore accord entre les deux, alors elle dit ben, c'est que j'ai mal interprété quelque chose, j'ai mal pensé, ou elle dit en termes spirituels, j'ai pas reconnu quelle était la volonté de Dieu et au fond, je n'ai pas obéi à ce qu'était sa volonté. Donc d'une certaine manière, quand elle comprend qu'il ne sera pas possible pour elle d'actualiser sa vocation en France en étant combattante, il ne lui reste plus de choix, c'est comme s'il ne lui restait plus de choix qu'obéir à la seule nécessité de sa vie à ce moment-là, de malade, c'est-à-dire mourir. Est-ce que c'est une forme de renoncement quand même ? C'est une forme de renoncement. Plus que d'acceptation de la fatalité, enfin ça dépend de quel point de vue on se place, mais... Oui, alors, de consentement, oui, on va dire ça. Elle consent, alors ça va très loin chez elle, parce qu'elle se culpabilise énormément à ce moment-là, en disant effectivement, j'ai désobéi à la vocation qui était une vocation, au fond, que Dieu m'avait donnée, c'est-à-dire être parmi les malheureux, vivre parmi les malheureux, combattre avec les malheureux. Mais elle ne voit pas ce qu'elle pourrait faire de sa vie. D'ailleurs, elle dit dans ses dernières lettres, eh bien, si je survis à cette maladie, etc., je m'offrirai comme chair à canon, n'importe où, dans cette guerre, ou alors je mènerai une vie obscure en allant à nouveau travailler en usine. Et donc quand à la volupté, voilà, soi-disant trouvée dans la souffrance, qui serait le seul lieu où on pourrait rencontrer la vérité, comme dit Schumann. Non, alors c'est pas une volupté. Elle n'était pas masochiste. Elle a dit toujours les masochistes cherchent le simulacre du malheur et pas le malheur. Elle a toujours écrit on ne doit pas chercher le malheur. Il faut simplement être disponible pour le rencontrer et le vivre dans toute son amertume. Mais la recherche du malheur serait du masochisme, elle ne l'était pas. Eh bien, rendons-nous disponibles, Blind Boys of Alabama, Talk About Suffering, eux aussi. About suffering here below. Let's keep talking about Jesus. Talk about suffering here below. Better keep talking about Jesus. Merci beaucoup Robert Chenavier d'être venu nous parler de Simone Veil aujourd'hui. Merci Adèle. Je renvoie les auditeurs à un grand plaisir de vous avoir reçu à vos ouvrages. On les mettra en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. J'en cite un notamment, bien commode pour entrer dans la pensée de Simone Veil, L'attention au réel, aux éditions Michalon. Talk about suffering here below. Let's keep talking about Jesus. Il est 10h53 sur France Culture, vous écoutez Les Chemins de la Philosophie. Il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver Anastasia Colosimo pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Ben si, on est là pour philosopher. Bonjour Anastasia. Bonjour. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet de plus en plus à la mode. Il s'agit de l'économie comportementale, ou nudge, qui postule que la suggestion indirecte peut, sans forcer, influencer la prise de décision de manière tout aussi efficace, sinon plus efficace, que l'instruction directe. Si je vous en parle, c'est parce que le mois dernier, les éditions du Seuil ont publié un ouvrage de Richard Thaler, qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2017 pour, je cite, « sa compréhension de la psychologie de l'économie ». Le livre s'intitule « Misbehaving, les découvertes de l'économie comportementale » et revient sur les 40 ans de recherche de l'auteur. Tout le propos de Thaler est de soutenir que les fondements de l'économie mainstream, qui ne croit qu'au marché efficient, habité d'acteurs rationnels prenant toujours la bonne décision, sont faux. L'homme n'est pas cette machine calculante qui peuple le livre d'économie. Il est plutôt cette créature étrange, sujette à de nombreux biais, qu'il convient de découvrir. Dans un récent article intitulé « Comportement correct exigé » et publié dans La Vie des idées, Henri Bergeron, Patrick Castel, Sophie Dubuisson-Quellier, Jeanne Lazarus, Étienne Nouguez et Olivier Pilmis reviennent longuement sur l'origine de cette économie comportementale et permettent de mieux comprendre à la fois le succès et les limites de cette nouvelle mode. L'origine de l'économie comportementale vient de la rencontre de l'économie et de la psychologie à travers quelques figures marquantes comme Daniel Kahneman et Amos Tversky côté psychologie et George Loewenstein côté économie. En s'appuyant sur des expériences, Kahneman et Tversky ont montré dès les années 1980 que les individus ne se comportent pas en homo economicus, mais mobilisent des règles empiriques comportant de nombreux biais qui les poussent à prendre des décisions sous-optimales. Kahneman propose de comprendre ces décisions sous-optimales en distinguant le système 1, rapide, intuitif, émotionnel, qui serait à l'origine de ces biais, du système 2, lent, réfléchi et rationnel, qui permettrait de les éviter. De nombreux chercheurs en économie ont voulu mettre en évidence les fameux biais auxquels nous sommes soumis. L'article en recense une trentaine. Je vous en lis quelques-uns. Le biais de cadrage. La décision des individus est fortement liée à la manière dont les différentes options sont présentées. Par exemple, la taille de l'assiette influence la quantité consommée. Le biais d'ancrage. Les individus prennent rarement leurs décisions sans situation de référence. Par exemple, une décision passée ou une décision prise par quelqu'un d'autre. Le biais d'aversion pour la perte. Les individus détestent davantage perdre de l'argent qu'ils n'aiment en gagner. Par exemple, un individu préférera recevoir 1 800 euros de salaire plutôt que 2 000 euros, dont 200 à reverser aux impôts. Le biais de surestimation du pic fin. Les individus évaluent leurs expériences passées en fonction de leurs points saillants ou de leurs dernières impressions. Par exemple, on surestime la probabilité d'un accident si on en a déjà eu un. Et enfin, par exemple, le biais du court terme ou d'escompte hyperbolique. Les individus accordent moins de valeur aux gratifications futures qu'aux gratifications immédiates. Par exemple, le plaisir de la nicotine par rapport au risque de l'accident cardiovasculaire. Contrairement à l'homo economicus, il ne s'agit pas d'une simple préférence pour le présent, mais bien d'une préférence hyperbolique, au sens quasi mathématique du terme, pour le présent. Et tous ces biais auxquels nous sommes soumis vous effraient, Anastasia ? Alors oui. Pourquoi il m'effraie ? Parce que c'est ici qu'intervient le deuxième courant, dont les grandes figures sont Richard Taylor et Cass Sunstein, qui veulent utiliser ces biais pour formuler des instruments d'action publique. Appelés nudge, ces dispositifs visent à exploiter les biais de la rationalité individuelle pour orienter les décisions individuelles dans le sens de l'intérêt général. C'est ce que les deux auteurs expliquent dans leur best-seller paru en 2008, Nudge, la méthode douce pour inspirer la bonne décision. Se définissant eux-mêmes comme des paternalistes libertariens, ils entendent agir sur l'architecture du choix et corriger les comportements. Par exemple, en modifiant la disposition de la nourriture dans une cantine et en rendant la salade plus directement accessible que le hamburger, on peut espérer que les individus soient plus tentés de prendre une salade, ce qui ferait que les gens mangeraient plus sainement, seraient moins sujets à l'obésité et auraient donc moins de maladies nécessitant de déployer de l'argent public, etc. Les nudges ont fini par conquérir les esprits. Un bon nombre d'États et d'organisations internationales ont ouvert des nudge units, des centres de recherche, des laboratoires. Mais pour quels résultats ? Les auteurs de l'article sont catégoriques. Le nudge n'a pas pris. Il est resté un phénomène de mode, porté, comme l'explique la chercheuse Aubry Jbour, par la notoriété de ses inventeurs. Mais la partie la plus intéressante de l'article est sans conteste celle qui s'attache à proposer une critique théorique et politique du nudge qui semble, selon les auteurs, réduire tous les problèmes sociaux à des problèmes de comportement. Surtout, le nudge menace un élément essentiel de la démocratie, l'association du sujet à la délibération sur la définition du bien commun. On respire. Heureusement que nos chercheurs sont là. Splendeur et misère du nudge. Merci Anastasia Colosimo. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Colomba Grossi, Marie Simon, Sharon Houry, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie. C'est Nicolas Berger qui est à la réalisation cette semaine, Clément Daté qui est à la prise de son aujourd'hui et Hélène Losseur à la lecture des textes.